أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق ويهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله له أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعدنا الله وإياكم من النار إن شاء الله تعالى votre présent épisode traitera de plusieurs personnalités aujourd'hui dont un est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les deux autres font partie de l'époque des tabi'in. Il s'agit d'une longue histoire qui a commencé par un rêve que chacun de ces personnages a eu. Mais afin d'aborder notre épisode, il serait utile de signaler que le mois de Ramadan est par excellence le mois de la réalisation des souhaits et des vœux. Et il suffit pour cela de fixer le vœu pendant le mois de Ramadan, de savoir tirer profit de l'énergie qui nous inonde durant ce mois béni, et plus particulièrement de la récitation du Coran que nous entreprenons et des sollicitudes que nous multiplions. Bref, de nous concentrer dessus, de nous promettre de travailler avec ardeur pour le mettre au point, pour mettre au point ce rêve, pour mettre au point ce vœu que nous voulons toucher, mais aussi d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala chaudement, fortement, d'être véridique avec lui Azza wa Jal et honnête tout en continuant à déployer nos efforts jusqu'à après le mois de Ramadan. Comme quelqu'un qui voudrait développer une petite société en une grande entreprise. Comme quelqu'un qui voudrait mener à bien un projet de mariage. Oui. C'est le mois de la réalisation des vœux. Tel est le cycle de la vie à travers l'histoire. En vérité, il arrive rarement qu'une personne meure sans que son vœu ne se réalise lorsqu'il a déployé tous les efforts pour y parvenir. À force de concentration et d'efforts fournis par la grâce d'Allah, on finit par l'atteindre. Pourquoi justement le Ramadan? Parce que notre épisode porte sur trois cavaliers. Le premier est un homme de politique. Le deuxième est un commandant militaire. Et le troisième est l'un des plus grands ulamas des musulmans. Les trois cavaliers sont les fils de Zubayr ibn Awwam, l'un des 10 compagnons auxquels le prophète alayhi salatu wassalam a promis le paradis de son vivant. Le premier fils est un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Alors que les autres sont des tabi'in, car ils sont nés après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. L'histoire a commencé par une certaine nuit de Ramadan, au pied de la Kaaba, au terme de la salat de la nuit, dans une ambiance de piété, lorsqu'un adolescent a proposé à ses trois amis de formuler chacun un vœu. Ses quatre amis étaient alors âgés de 13 à 14 ans. Le premier, Abdullah ibn Zubayr. Dis-moi, je souhaite être gouverneur du Hijaz, l'Arabie dite saoudite actuellement. Et également devenir le calife des musulmans, à l'image des deux califes, Omar et Othman. Et ce rêve est assez normal, du moment où les jeunes gens possèdent les mêmes rêves que leur umma islamique. Des rêves qui dépassent le présent et vise à l'universel. à savoir que sous l'avènement de Othman, l'islam commença à se faire connaître dans différents coins du monde. Le deuxième, Mus'ab ibn Zubayr, dit « Je souhaite gouverner l'Irak et épouser Fatima bint Hussein. » Bint Hussein, bint Ibn Ali, ibn Ali wa Fatima wa bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il voulait épouser Fatima, la fille de Hussein, qui était lui-même fils de Ali, qui était marié à Fatima, la fille du prophète alayhi sallam. Le troisième, qui était un tabi'i, Abdul Malik ibn Marwan, leur ami, un descendant de la famille des Omeyyades, des Beni Omeyya. Il dit, vos voeux sont assez limités. Moi par contre, je rêve de régir la terre entière. Subhanallah. Le quatrième, Urwa ibn Zubayr, qui garda le silence jusque-là, il dit, quant à moi, je rêve de devenir le plus savant des ulama musulmans au niveau de la terre et d'être un habitant du Firdaus. Al-Jannatul Firdaus, le jardin du le plus haut sommet du paradis. Quatre vœux pour quatre amis pendant le mois de Ramadan. Le mois de la réalisation des vœux, le mois de la réalisation des souhaits et des rêves. Quant à toi, ya Akhi, quant à toi, ya Urti, quelle est ton ambition? Quel est ton vœu? Quel est ton rêve? Est-ce que ce serait un vœu uniquement pour réaliser un profit personnel et devenir célèbre, ou bien pour faire régner la justice et contribuer à la renaissance de ta umma islamique? Allah seul le sait. Quant à eux, quelles étaient leurs intentions? Allah également seul le sait. Les intentions ne seront dévoilées que lorsqu'elles vont à l'encontre des intérêts personnels. Les jours s'écoulèrent, le temps passa. Les quatre amis ont atteint entre 50 et 60 ans. Les quatre ont vécu leurs rêves. Les quatre les ont réalisés. Mais à quel prix? Abdullah le premier est devenu gouverneur du Hijaz. Plus même, il a obtenu le serment d'allégeance de l'Égypte, de l'Irak, du Yémen, et est resté calife des musulmans durant 9 ans. Il a par conséquent nommé son frère Mus'ab gouverneur de l'Irak. Et celui-ci épousa Fatima. Quant à Marwan ibn Abdel Malik, leur ami, il est devenu gouverneur de la terre entière, mais au prix du sang de ses deux amis, Abdullah et Mus'ab. Le quatrième, Urwa, est devenu le plus savant des ulama de la Ummah islamique. Omar ibn Abdel Aziz, le calife des musulmans plus tard, ne décidait d'une fatwa, quelle qu'elle soit, sans avoir consulté Urwa. Et il y a un verset dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sourate Al-An'am, dans sourate Les Bestiaux, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute équité. Nul ne peut modifier ses paroles, il est l'audient et l'omniscient. Allah subhanahu wa ta'ala informe ses serviteurs, si vous faites preuve de franchise et de sincérité dans vos souhaits et dans vos implorations, vous serez payé en revanche par ma justice dans la réalisation de vos vœux et de vos désirs. Qui est donc le père de ces trois cavaliers, Abdullah, Mus'ab et Urwa? C'est Abdullah ibn Awam, l'allié confident du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui il confiait ses soucis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, chacun des prophètes qui m'ont précédé a eu des alliés et des confidents. Le mien est Zubayr ibn Awam. Le prophète alayhi salatu wasallam a des conseillers et des chefs militaires. Il a Abu Bakr, Omar. Et le rang de Zubayr reste particulier. C'est aussi le cousin paternel du prophète alayhi salatu wasalam, le fils de sa fille, tante paternelle du prophète alayhi salatu wasalam. Az-Zubayr radiyallahu ta'ala anhu est connu pour sa bravoure et son ardesse. Il est parmi ceux qui ont conquis l'Égypte et le krach de Babylone. En outre, il compte parmi les 10 compagnons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a désignés nommément pour le paradis de façon claire. Quelle est donc leur généalogie? Nos 3 cavaliers ont pour père Az-Zubayr, sa fille pour grand-mère. Qui est donc leur mère? Subhanallah, elle n'est autre que Asma bint Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Asma, la fille de Abu Bakr. Qui est donc leur grand-père? Il n'est autre que Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Qui est leur tante maternelle? Elle n'est autre que Aisha, Zawjatun Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Asma, leur mère, est une personne surprenante par le rôle qu'elle a joué, non seulement déjà lors de l'immigration du prophète alayhi salatu wasalam et de son compagnon Abu Bakr, qui n'est autre que son père. Alors qu'elle était enceinte de 7 mois, elle gravissait 2 fois par jour le mont qui menait à la caravane de Thawr pour leur porter le repas dans sa ceinture. Ce qui lui valut le titre de Dhatun Nitaqayn, c'est-à-dire celle qui porte les 2 ceintures. Et plus tard, ce fut son tour d'émigrer à Médine. Et ce qui est étrange, subhanallah, c'est que les nouveau-nés des musulmans à ce moment-là mouraient aussitôt après leur naissance. Et les juifs ont commencé à semer la fitna. Ils ne se retenaient pas de manifester leur raillerie, leur jouissance de cela. Et Asma a été la première des femmes parmi les émigrés à mettre au monde son fils, Abdallah. Alors ravis, tellement heureux, les musulmans ont prononcé le takbir, Allahu Akbar. Tellement ils ont été joyeux. Et Abdallah doit son prénom au messager d'Allah, alayhi salatu wasalam. Mais aussi, il a humecté une date. Le professeur m'a humecté une date. Yann, il l'a mis dans sa bouche, il l'a mâché. Et ensuite, il a passé sur les lèvres de Abdallah. Donc la première chose qui s'est introduite dans son corps, et avant même le lait de sa mère, est la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En s'adressant à Asma, le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit: allaite-le, même si tu dois le faire avec l'eau de tes yeux. Puis en portant son regard sur Abdallah, le nouveau-né, il dit: je le vois un lion parmi les renards, des renards habillés de vêtements. Ou bien on l'empêchera d'entrer au haram, ou bien il sera tué. Allah. Asma réalisa que son fils occupera un rang important dans la nation de l'islam. Devenu jeune, Abdallah hérita de 3 caractères de son père. La bravoure, à savoir que le premier mot qu'il a prononcé, c'était Saif, Saif, l'épée, l'épée. Et il compta dans l'armée de son père qui conquit le krach de Babylone. Et plus tard, de Tunis. À 7 ans, il déclara à son père: je veux prêter le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que ce sont seulement les grands qui prêtent le serment d'allégeance? Et en le voyant, le prophète alayhi sallam lui répliqua: tu es le fils de ton père. Tu es bien le fils de ton père. À 10 ans, il croisa Omar ibn Khattab dans la rue. Les garçons avec qui il jouait se dispersèrent, chacun d'un côté, à part Abdallah, qui dit à Omar, lorsque ce dernier lui demanda pourquoi il ne s'est pas enfui comme les autres camarades, il a dit: la rue est assez large pour nous deux. Allahu Akbar. Et puis je n'ai rien fait de mal pour m'éclipser. Qui es-tu ? Lui demanda Omar. Il dit, je suis Abdallah ibn Zubayr. Et Omar ibn Khattab lui dit, tu es le fils de ton père. Allahu Akbar. Le deuxième caractère qu'il hérita de son père est la piété. Il a passé sa vie à jeûner et à accomplir la salade de la nuit. Subhanallah. Troisième caractère. Il aspira au commandement et aimait faire ce que les gens ne savaient pas ou bien n'osaient pas faire. Lorsque l'eau de la pluie inonda la Kaaba, il avait été le seul à faire la circumambulation à la nage. La mère des croyants, Aïcha radhi anha, l'aimait, subhanallah, d'un amour énorme. Elle l'aimait tellement, wallahi. Lors de l'assassinat de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, il le défenda jusqu'à ce que ce dernier ait été tué. Et Abdallah s'en sortit avec une cinquantaine de coups de poignard et d'épée sur le corps. Il est tellement rare, wallahi, de rencontrer une personne pareille. Il a su rallier la piété, la bravoure et la politique. Abdallah ibn Zubayr a vécu jusqu'à l'assassinat du quatrième calife des musulmans, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Muawiyah ibn Abi Sufyan est devenu calife au Sham et décida que son fils Yazid lui succède après sa mort. Chose dont nous avons parlé dans les épisodes précédents. Mais Abdallah se mit au travers de cette volonté en raison de l'injustice de ce projet renfermait contre les musulmans et en leur ravissant leurs droits. Ils décidèrent, Hussein ibn Ali, Abdallah ibn Omar, Mohammed ibn Abi Bakr, et donc lui, Zubayr, Abdallah ibn Zubayr ibn Awam, de quitter Médine à destination de la Mecque pour y chercher refuge. À cause des menaces de Muawiyah à leur encontre. Hein, Muawiyah menaçait de les tuer s'ils refusaient de faire la bay'a, de prêter le serment d'allégeance à son fils Yazid. En mourant, Muawiyah mit son fils en garde contre Abdallah en lui recommandant « Je ne crains pas Hussein ibn Ali pour toi, car il ira en Irak, mais ses habitants ne prendront pas son parti. Bah, ouais. Je ne crains pas Abdallah ibn Omar non plus, car il est soucieux de savoir, de science et d'adoration. » Lui, son problème, c'est la ibada. Donc, je ne crains pas pour toi. Je ne crains pas Abdallah ibn Omar non plus. Et je ne crains pas, Mohammed ibn Abi Bakr, en raison de sa faiblesse. Le seul que je redoute pour toi, c'est Abdallah ibn Zubayr. Il attaque tel un lion. Si jamais l'occasion se présente à lui, il t'assaillira. Si tu prends le dessus, tâche de le découper en pièces. Subhanallah, parole assez dure, certes. Mais c'est bien ce qui arrive. Yazid succéda à son père. Mais il mourut au bout de 4 ans. Néanmoins, durant son règne, il envoya une armée pour assiéger la Mecque en vue de tuer Abdallah ibn Zubayr. Le commandant de l'armée en question rentra en contact avec Abdallah et lui dit ne plus avoir raison de lui livrer bataille. Puisque Yazid était mort, donc celui qui commandait l'armée, il a dit on n'a plus raison de se battre. Et moins encore d'assiéger la Mecque. Pourquoi ne deviendrais-tu pas le calife, lui suggéra-t-il. Et moi je serai à tes ordres avec mon armée. L'homme parlait à voix basse, alors que Abdallah ibn Zubayr lui répondait à voix haute. Pourquoi est-ce que tu cries? Lui demanda l'homme. Finalement, l'homme lui demanda de l'accompagner au Sham afin d'obtenir le serment d'allégeance de ses habitants. Abdallah, quant à lui, il pensait que c'était une ruse, c'était une conspiration ce qu'il était en train d'essayer de faire, cette personne-là. Jamais je n'irai au Sham. Vous me prêtez serment pour me. Est-ce que vous allez me prêter serment d'allégeance là-bas? Et l'homme est parti sans rien dire. Abdallah est à la Mecque. Voici 3 mois que les musulmans n'ont pas de calife. Et l'empire est immense. Il s'étend de la Chine au Yémen, de la Méditerranée jusqu'en Afghanistan. Ce qui entraîna Abdallah à se proclamer calife. De là, il obtint le serment d'allégeance de ses frères, suivi de Abdallah ibn Omar, de Abdallah ibn Abbas, puis de Mohammed ibn Abi Bakr. Ensuite, tout le Hijaz lui prêta allégeance, suivi de l'Égypte, du Yémen et des contrées asiatiques également. À part le Cham, les seuls qui n'ont pas fait la bay'a étaient les gens du Cham. De 64 de l'Égypte à 73, Abdallah demeura calife des musulmans. Il réalisa donc son rêve qu'il a eu lors de ses 14 ans. Car il était sincère. Et la parole de ton Seigneur, comme j'ai cité le verset, s'est accomplie en toute vérité et en toute équité. وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. Ensuite, pour se garantir l'Irak qui vivait beaucoup de problèmes et de fitan, de troubles, il envoya son frère Mus'ab pour diriger l'Irak. Et celui-ci épousa Fatima, fille de Al-Hussein. Lui aussi a vécu son rêve. Lui aussi son rêve est devenu réalité. Entre temps, en l'an 65 de l'Égypte, les gens du Cham firent part de leur intention de désigner un calife, Marwan ibn Hakam. Pour la première fois dans l'histoire musulmane, deux califes dirigèrent les affaires de cet état musulman, chacun de son côté. Un au Cham et un autre pour le reste de la terre. Un an plus tard, Marwan ibn Hakam meurt. Son fils Abdullah Malik ibn Marwan, qui n'est autre que leur ami d'enfance, lui succède. De là, une lutte allait naître entre les amis. Abdul Malik ibn Marwan ne cessa de raffermir son règne jusqu'à ce qu'il eût ravi l'Égypte à Abdullah ibn Zubayr. Les gens de l'Égypte ont annulé leur bay'a et ils ont fait la bay'a à Abdul Malik ibn Marwan. Puis à la tête de son armée, il se dirigea vers l'Irak. Il tua son ami Mus'ab ibn Zubayr. Hélas, les amis d'hier devinrent les ennemis d'aujourd'hui. Les amis qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala près de la Kaaba jadis s'entretuèrent aujourd'hui. Mais à quelle fin? À quel but? L'histoire des tabi'in est assez réaliste. Cela est pour couper court à tous ceux qui prétendent ne pas pouvoir leur emboîter le pas. L'histoire des tabi'in est l'histoire de l'islam, de la communauté musulmane, de cette ummah islamia, ne cesse de se répéter. Les mêmes choses que nous voyons hier sont les mêmes choses que nous voyons aujourd'hui. Dans les mêmes régions dans lesquelles ces troubles se passaient hier, c'est dans les mêmes régions que ces troubles se passent aujourd'hui. Il y a Ikhwan, il y a Akhawat. Cette histoire de combat entre les musulmans, cette histoire de problème de califat n'a pas commencé hier. Ou plutôt n'a pas commencé aujourd'hui, pardon. Elle a commencé hier et elle se répète aujourd'hui. Constatez vous-même, les mêmes, subhanallah, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala ensemble hier, ce sont les mêmes aujourd'hui qui se font la guerre. Quel est le but? Quel est l'objectif finalement? C'était la question, subhanallah, la réflexion que nous devons avoir. Et Abdul Malik ibn Marwan n'a pas traité Abdullah ibn Zubayr de Khawarij. Et Abdallah ibn Zubayr n'a pas traité Abdel Malik ibn Marwan de Khawarij non plus. Alors quelle était l'intention de Abdel Malik ibn Marwan? Il rêva dans sa jeunesse de régir la terre entière. Son intention commence à se dévoiler. L'intérêt personnel a pris chez lui le dessus sur les valeurs. C'est pourquoi il planifia l'envoi d'une armée à la Mecque pour l'assiéger et tuer Az-Zubayr. Il détacha, subhanallah, Abdullah ibn Zubayr. Il détacha à cet effet un commandant violent, avide de sang, que vous connaissez normalement, ou que vous connaîtrez, inshallah, lorsque vous suivrez une de nos prochaines séries à venir sur l'histoire de, sur un résumé sur l'histoire musulmane. Ce commandant était qui? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Un tyran parmi les tyrans de l'histoire musulmane. Qui aussitôt, lorsqu'il fut désigné, partit à la tête d'une armée en portant des catapultes. C'était la première fois et la dernière fois que la Kaaba a été sujette aux catapultes. Bien que, subhanallah, le mérite lui revient d'avoir édifié la coupole du rocher et d'avoir lancé pour la première fois des pièces de monnaie sur lesquelles il grava La ilaha illallah, mais Abd al-Malik ibn Marwan fit couler le sang des musulmans. Et ceci milite en sa défaveur. Est-ce que quelqu'un, subhanallah, parmi ceux qui qualifieraient les actes de Abd al-Malik ibn Marwan comme étant mauvais, celui qui dirait qu'il était dans le faux, dirait que à cause de ses agissements, il était khawarij? Là, non. Donc, subhanallah, le simple fait de faire couler du sang pur, c'est-à-dire le sang des musulmans, ne signifie pas que la personne est forcément khawarij, que la personne est forcément khariji. Il est dans l'erreur, il est dans le faux, ça. Là, chaque kafi, il n'y a pas de doute sur ça. Mais les khawarij ont un dogme, ont une méthodologie qui leur est spécifique. Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît les intentions et c'est lui seul qui châtiera les gens pour leurs mauvaises intentions. Et donc c'était la saison du pèlerinage et Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi assiégea la ville. Il se mit à lancer les pierres sur les musulmans qui accomplissaient leur salade près de la Kaaba. Subhanallah. Indigné, Abdullah ibn Omar ibn Khattab s'écria: gare à toi, arrête ton acte odieux, n'es-tu pas musulman? Mais subhanallah, les choses allaient s'empirer et n'allaient qu'en s'empirant à la Mecque. Abdullah ibn Zubayr était déjà assiégé. Les prix des articles augmentaient de plus en plus. Les amis, subhanallah, qui entouraient Az-Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, le délaissèrent. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi lui envoya un message: ou bien tu quittes la Mecque pour ne plus jamais y mettre les pieds, ou bien tu prêtes le serment d'allégeance à Abd al-Malik ibn Marwan, ou bien je te livre bataille jusqu'à avoir gain de cause. L'intention de Abdullah ibn Zubayr se dévoile à ce niveau. Il peut sortir et prêter allégeance et sauver sa vie. Mais qu'a-t-il fait? Il alla chez sa mère, Asma bint Abu Bakr, qui était alors âgée de 100 ans, subhanallah, et lui dit: Abd al-Malik ibn Marwan me propose la sécurité à condition que je lui prête allégeance. Qu'en penses-tu? Elle lui dit: tu es seul à pouvoir en décider. Tu cherches par ton acte à faire valoir la vérité. Prends patience. Et si tu vises les plaisirs de la vie, quelle abominable intention! Et si tu sais, ton intention, sache que ce n'est pas un acte des gens libres. Va et livre-lui la bataille pour faire valoir la vérité. Tu iras chez Allah en tant que véridique et sincère. Mère, je crains qu'on me défigure mon cadavre. Elle lui dit: peu importe au mouton d'être écorché après avoir été égorgé. Allah Akbar. C'était mon avis, lui dit-il, mais je voulais me raffermir en prenant connaissance du tien. Par Allah, sache ma mère que ce que je n'ai fait, tout cela tout le long des années qui ont passé, que dans l'intérêt de la Ummah et afin de faire valoir la vérité. Telle est l'intention de Abdullah. Sache que je vais être tué aujourd'hui. Ne t'attriste pas trop. Fie-toi à Allah. Ton fils n'a jamais été perfide. ni hypocrite. Sache qu'il n'a cherché que l'agrément d'Allah. Subhanallah. Telles furent les paroles de Abdallah, les paroles de Abdallah à sa mère. Ô fils, je sais que tu as toujours été pieux, jeûnant le jour et accomplissant la salat la nuit. Ô Allah, comble-le de ta miséricorde pour son jeûne et sa salat. Ô Allah, je te prends à témoin qu'il était docile à mon égard. Je me fie à toi. Ô Allah, je me soumets à ta volonté. Subhanallah. Telle était la discussion entre eux, le fils et sa mère. Il se leva et lui embrassa la main. Est-ce un adieu, lui demanda-t-elle. Oui, ma mère, c'est un adieu. C'était l'adieu de celui qui choisit, à la fin de ses jours, de faire valoir la vérité et la justice. Approche-toi, que je t'embrasse. En le serrant dans ses bras, elle trouva qu'il porta une cuirasse. Et elle lui a fait remarquer, ce n'est pas là la tenue d'une personne qui va pour trouver la mort. Subhanallah. Et il lui répond, je ne l'ai vêtu que pour te tranquilliser. En s'éloignant, sa mère l'appelait et lui disait pour le raffermir, prends patience, Abu Bakr est ton grand-père, Asma est ta mère, Aïcha est ta tante, Safiya est ta grand-mère et Zubair est ton père. Allahu Akbar. C'est le 17 du mois de Jumada al-Awwal de l'an 74 de l'Hégire. Abdullah ibn Zubair se mit à réciter Surat Noun en dirigeant la salat. Et il pleura en récitant cette sourate là lorsqu'il arriva au verset Fasatubusiruna wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu verras et ils verront qui d'entre vous a perdu la raison. C'est ton Seigneur qui connaît mieux ceux qui s'égarent de son chemin et il connaît mieux ceux qui suivent la bonne direction. Qui donc est sur la bonne voie et qui a perdu la raison? S'est-il demandé. Nous avons tous formulé des souhaits dans notre adolescence et nous les avons tous réalisés, mais eux recherchent la vie d'ici-bas. Subhanallah. Telle est la chose que se disait Abdallah. À ce moment, Al-Hajjaj entra par la porte de Beni Shayba et la bataille se déchaîne. Abdallah a 50 ans maintenant. Il tient son épée à la main et crie à haute voix, lui qui est censé ne pas attirer Al-Hajjaj vers lui. Oh Asma, ne pleure pas ma mort. Oh Asma, ne pleure pas ma mort. Il ne reste que mon nom, ma religion et une épée solide qui est devenue tendre entre mes mains. En l'apercevant, Al-Hajjaj perdu la raison. Il se rua vers lui et le tua. Subhanallah, c'était une heure après le Fajr. Al-Hajjaj dit, Allahu Akbar. Et Abdallah ibn Omar était témoin de la scène et il pleura en disant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le takbir à la naissance de Abdallah et maintenant Al-Hajjaj prononce le takbir à sa mort. Subhanallah. Al-Hajjaj le crucifia, wal'iyadu billah. Asma arriva à ce moment-là guidée par son esclave, car elle avait perdu la vue depuis quelques années. Et à sa vue, Al-Hajjaj rit. Et il lui dit, tu as vu ce que j'ai fait de ton fils? Je constate que tu lui as gâché la vie ici-bas, alors qu'il t'a perverti la vie future. Elle lui répondit. Le troisième frère, Urwa, n'a jamais quitté Médine. Il n'est jamais allé à la Mecque. Lorsque son frère a été tué, Abdelmalik ibn Marwan décréta l'ordre d'arrêter ses leçons. Lui qui devint, subhanallah, le meilleur des ulama parmi les musulmans, et surtout que Aïcha l'avait mis au courant de tous les actes de la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Il partit donc au Shem pour trouver Abdelmalik ibn Marwan et lui dit, je ne me suis jamais mêlé à la politique. Je n'ai que faire de ton royaume. Je suis un homme de science et je compte donner mon savoir tant que je vis. Pourquoi m'empêches-tu de poursuivre mes discours? Et puis, rends-moi l'épée de mon frère. De là, Abdelmalik lui dit qu'il ne, yani qu'il ne pouvait pas reconnaître l'épée de son frère. Urwa lui dit, montre-moi les épées, cherche les épées, montre-les-moi et je la reconnaîtrai. Abd al-Malik lui demanda, comment est-ce que tu vas faire pour la reconnaître? Il dit, elle porte les traces des coups assénés par mon frère, car il était aussi brave que mon père. De là, Urwa retourna à Médine et continua à donner ses cours jusqu'à l'avènement de Omar ibn Abdelaziz, qui, comme on l'a dit, le consultait sans relâche pour chacune de ses décisions. Urwa est le savant de la Ummah, mais à la fin de sa vie, il fut durement éprouvé. Un cheval écrasa son enfant et il dut se faire amputer le pied à cause d'une maladie qu'il avait touchée. Et les gens l'entendaient dire, louange à Allah, j'avais 4 membres, tu m'en as pris un et tu m'as laissé 3. J'avais 7 enfants, tu m'en as pris un et tu m'en as laissé 6. Louange à Allah, s'il a pris, il a donné. Oh Allah, louange à toi, toutes les grâces dont tu m'as comblé et pour tout ce que tu m'as laissé. Telle est la fin des 3 cavaliers. À nous, mon frère, à nous, ma soeur, de formuler nos voeux pendant le mois de Ramadan. Mais veillons bien à faire attention à nos intentions. Veillons bien à faire attention à nos intentions. Et je voulais aussi souligner à la fin de cet épisode que malheureusement les troubles dans la communauté musulmane ne sont pas nouveaux. Ce que nous voyons aujourd'hui est ce que nous avions déjà vu hier. Ainsi, lorsque nous voulons prendre du recul, il est important d'observer attentivement les événements, de les mettre sur la balance de la jurisprudence, puis de les mettre sur la balance de la raison. Et également de les mettre sur la balance de l'histoire et de laisser à chacun son intention. Car en réalité, la finalité sont les intentions que chacun aura portées et celles qu'il aura mentionnées. Sur ce, je clôturerai en citant un verset, celui que j'ai déjà récité. وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et équité. Nul ne peut changer ses paroles, il est l'omniscient. Il est l'audient et l'omniscient. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا.